À la caisse tu fous là. Allez on se bouge, remue ton corps, lève plus haut les bras. Trois pas en avant, fléchis les genoux, lève la tête. Saute en l'air les bras tendus, fais une pirouette. Pas chasser sur la gauche, pas chasser sur la droite. T'es bien meilleur que John Travolta. Déchire ton enveloppe corporelle, exprime ta gestuelle. Laisse ton corps bouger dans tous les sens. Libère l'animal jaune, tâche de croire qui est en toi. C'est la danse du marsupilami. Ouba, ouba. Fais le petit marsupilami. Ouba, ouba. Ouba, ouba. Fais le petit marsupilami. Ouba, ouba. C'est complètement débile, bah c'est comme ça. Reste pas comme ça, l'espèce de toca. T'as encore fait la fête, hein, toi, mon salaud, hier soir. Aujourd'hui, c'est les élections, il va falloir voter. Tu veux le mode d'emploi? C'est pas compliqué. Tu peux voter à gauche, tu peux voter à droite. Dans l'isoloir, tu peux voter. Et surtout, tu peux danser. Il paraît que c'est bon pour la santé. Déchire ton enveloppe corporelle, exprime ta gestuelle. Laisse ton corps bouger dans tous les sens. Libère l'animal jaune, tacheté de noir qui est en toi. C'est la danse du marsupilami. Ouba, ouba. Fais le petit marsupilami. Ouba, ouba. Ouba, ouba. Fais le petit marsupilami. Ouba, ouba. Et plus c'est débile, plus on aime ça. Libère l'animal jaune, tacheté de noir qui est pour toi. C'est la danse, c'est la danse. Déchire ton enveloppe corporelle, exprime ta gestuelle. Laisse ton corps bouger dans tous les sens. Libère l'animal jaune, tacheté de noir qui est pour toi. C'est la danse, c'est la danse. Déchire ton enveloppe corporelle, exprime ta gestuelle. Laisse ton corps bouger dans tous les sens. Libère l'animal jaune, tacheté de noir qui est en toi. C'est la danse, c'est la danse. Déchire ton enveloppe corporelle, exprime ta gestuelle. Laisse ton corps bouger dans tous les sens. Libère Berlin, un jaune tacheté de noir qui est en toi, c'est la danse du marsupilami. Oupa, oupa, fais le petit marsupilami.